Apocalypse. La fissure franchit la ligne blanche. Au sol comme au plafond, j'entends des bonds, des échos qui prennent place sur cette place, des échos résonnant encore au creux de l'oreille. Tout est réduit en poussière, même le lierre. D'un sol sec, dur, creux, et d'un horizon sec, dur, creux, je vois l'apocalypse qui a la peau d'un calice. Ainsi le voilà, arrivant lourd et grand, trop grand, bourré de cellules grossissantes. Je n'y vois pas d'angle, ni de blanc. À une vitesse lumière, il écrase. Flash bleu, bouche blanche, dents, miettes, cendres, silence en point. J'appelle l'enclave. Dans le fond d'une vallée, cachée derrière d'épaisses montagnes, sous un dôme sorcellaire, un peuple émet des ondes radio. C'est dans le cœur d'une rare forêt que réside un village, une enclave de myrrhe. Face aux innombrables séismes apocalyptiques, cette enclave résiste. Au cœur, au creux, vit un peuple dément, aimé, solidaire et acharné. Nous sommes une trentaine, aujourd'hui 26. Nous vivons dans de petites maisons. Notre village a l'allure burlesque et décoiffant. Il foisonne et cellulaire. Parfois, il apparaît anarchique. Il soulève. Dans le combat, nos prises de pouvoir ne sont pas encore claires. Mais elles se font sentir. Elles se cherchent, se construisent. C'est une enclave de myrrhe au milieu d'une forêt où trois factions se partagent des maisons. Ce sont des maisons de briques, des maisons de bois, des maisons de paille. Où qu'elles aillent, elles bâtiront. J'appelle les pénuries. Ce matin, nous nous sommes levés à l'aube. La brume perle encore les prés. L'air vif, nos corps sont tendus et nos estomacs sont mis à rude épreuve. Nous avançons vers la forêt, les ronces nous griffent et nous égratignent la paume et la lisière est proche. À l'ombre des sous-bois, nos yeux ont appris à reconnaître les herbes folles et sauvages, l'ortie, l'oseille et le sureau noir, le cresson et l'ail des ours. Il suffit de tendre la main pour goûter déjà du bout des doigts les arômes et les saveurs, vitamines, fer, calcium. Une bonne partie de ce que nos cellules réclament se trouve là, retenue dans ces feuilles fragiles et fraîches, dans ces racines et tubercules rugueuses que nous ramassons à pleine main dans la rosée. La société intacte. Un grand abdomen, de larges ailes diaphanes, une carapace verte et bleue brillante et austère, une carapace verte et bleue brillante et austère, des mirettes méchantes et habiles, et gravé sur une de ses larges jambes-pattes, un S saillant et un I impeccable, pour une société intacte. L'allure des surfaces supermarchés était son terrain de jeu, son domaine, son royaume. Tout ce qui avait une apparence empaquetée, rangée, triée, lisse, sans relief, la faisait vibrer. Cette multitude de vivres la remplissait d'une joie intense et tenace. Demoiselle des Eaux se disait « Tout ça est pour moi ». Demoiselle des Eaux savait parfaitement que c'était à elle qu'on obéissait au doigt et à l'œil. À l'œil et au doigt. Excepté cette chose, cette masse dégoulinante et visqueuse, la sève robustesse. Demoiselle des Eaux méprisait du plus profond de son être la sève robustesse. Elle le savait et ne s'en cachait pas. Ce peuple second et inférieur s'obstinait à vivre dans la forêt. Ça la faisait rire. Toute cette profusion de troncs lui donnait le tournis. Un tournis-vis. Les demoiselles des eaux n'arrivaient pas à sauter de la tête et ça la rendait folle, vicieuse. Leur chant. Leur chant assourdissant, infernaux et insolent. Les cris de déploiement de la sève robustesse retentissaient à l'arrivée imminente du printemps, puisque l'apogée de leur énergie se déclarait à cette saison-là. Alors se soulevait leur voix, qu'on entendait à des kilomètres à la ronde. Elle monte au printemps. Elle monte au printemps. Elle monte au printemps. La sève robustesse connaissait bien Demoiselle des Eaux. Ils en avaient dressé un portrait, en prélevant ici et là des descriptions, des échos de son assemblée. Oui, parce que la sève robustesse n'avait jamais vu Demoiselle des Eaux, en chair et en os. Et il se disait, en contemplant le tableau, mais pourquoi une créature aussi gracieuse pouvait être si dangereuse et gloutonne ? J'appelle le Maelstrom. Nous. Nous nous servons de vous comme vous vous servez de nous. Un échange de bons procédés propice à notre survie. Nous nous abandonnons à cette forme, cet être, cette force, cette poussière de fumée qui apparaît quand le vent se lève. Nous. Le nous que notre ensemble forme est indissociable. Nous jetons alors nos boomerangs et à ce moment précis, elle nous enveloppe dans son monde débordant d'images. Impossible de la définir, mais pourtant omniprésente dans notre quotidien. Nous vous appelons, hurlons à la fin. Vous réagissez et nous nourrissez de ce qui se trouve dans les alentours. Nous la subissons, l'attendons, la craignons, la vivons. Notre mesquinerie fait de nous de véritables génies. Ignorez-nous si vous le voulez. Nous ne partirons pas. Nous resterons là, près de vous, jusqu'à que votre attention se redirige vers nous et nous serve enfin. Elle va et vient. C'est un cadeau, un poids, une surprise, un parasite. Nous devenons alors maîtres de vos pensées. Ne vous inquiétez pas, nous ne vous laisserons pas suffoquer. Nous sommes dépendants d'elle. Pourtant, parfois, nous lui trouvons un brin de sagesse quand elle nous conseille, nous parle pour assurer notre survie. Nous vous aiderons comme promis. Néanmoins, n'oubliez pas que le pouvoir, c'est nous qui l'avons. Pour vous protéger, vous ne pouvez vous passer de nous. Alors méfiez-vous. Elle se montre vicieuse lorsque nous ne faisons pas assez attention à elle. Nos culottes disparaissent lorsqu'elle nous possède. Quand nous sommes affamés, nous devenons même plus que vicieuses, imprévisibles. Nous restons près de vous, éparpillés dans l'air comme les forces que nous sommes. Pour enfin, seulement, quand vous êtes prête à nous écouter, vous dévoiler votre destin. Se sent-elle seule ? Se sent-elle seule ? Nous vous aidons. Nous vous procurons réponse à vos questions. Toujours prêt à battre des ailes, nos interventions précisent notre savoir et vous aident quand par désespoir, il ne vous reste plus rien. Nous ne lui parlons pas. Nos discussions sont d'une toute autre dimension. Ce sont tous nos sens qui discutent ensemble. Ces moments sont incontrôlables, mais nous sommes indissociables. Un joli compromis, comme réalisé entre deux amis. Les gangs. Ce soir, nous les observons, nous attendons, nous trépignons, nous sommes impatients. La forêt gronde, la terre tremble, les culottes volent, ça y est. Les hommes de la forêt vont être occupés avec leur maestro. Nous pourrons bientôt agir. J'ai faim, très faim, horriblement faim. Mes camarades commencent à taper du pied. Je comprends, ils ont faim, Certains se mettent à crier. C'est normal, ils ont faim. D'autres arborent un sourire malicieux. Évidemment, ils ont faim. Leurs visages sont dévorés par cette insatiable envie. Bien sûr, ils ont faim. Dans mon esprit et ceux de mes camarades, un mot résonne. Il se répète. Pissenlit, pissenlit, pissenlit. Je me tape la tête, je n'en peux plus. J'ai faim, très faim, horriblement faim. Un de mes camarades s'élance vers le dôme, joué de la faible combativité des hommes de la forêt. Il entre. Pendant que tous les autres sont occupés avec le maelstrom, nous débarquons tous sans retenue. Nous cueillons, nous volons. Ce soir, nous mangerons.